Le 4 courant, la délégation du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il et de ses membres, la délégation de l'association d'amitié nippo-coréenne du département de Hukuoka et autres étrangers ont déposé des bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de formuler leur hommage.